L'amitié est un sentiment étrange qui peut naître en quelques jours, un peu comme un coup de foudre, sans que ceux qui sont concernés sachent vraiment ce qui leur arrive. Le plus étrange, c'est encore quand cette amitié peut se manifester au-delà de la mort. Micheline, je te présente mon copain Frangier Vukovic. Il a embarqué avec nous pour notre dernier voyage et on est devenus inséparables. Micheline Formentier accueille le copain de son mari avec un sourire chaleureux. Les amis de mon mari sont mes amis, vous êtes ici chez vous. Frangier est yougoslave de Croatie. Tu verras, c'est un gars absolument étonnant. J'en suis certaine, mon chéri. Si tu l'invites à la maison, c'est qu'il s'agit de quelqu'un de bien. Merci beaucoup, chère madame. Excusez-moi de vous envahir, je voulais trouver une chambre d'hôtel, mais c'est Emmanuel qui a insisté pour que je vienne loger chez vous pour nos quelques jours d'escale. Emmanuel Formentier est ravi. Avec Micheline, il n'y a jamais aucun problème. Elle est toujours d'accord. Il faut dire qu'en 15 ans de mariage, ils ont eu le temps de se connaître. L'ami d'Emmanuel est un homme de 45 ans, sportif, un peu grisonnant, souriant, le regard direct, l'œil bleu-vert. Une fois installé avec lui autour d'un verre, Micheline Formentier en apprend davantage. Emmanuel ne tarit pas d'éloges sur son nouveau collègue. « Tu vois comme il parle bien le français !» Eh bien, figure-toi que Frangier, qui n'est au départ qu'un fils de paysan, a appris le français tout seul. Et non seulement le français, mais l'italien, l'allemand, l'espagnol. Enfin, pour l'espagnol, c'est plus facile, il est divorcé, il vit à Bilbao avec une espagnole qui a l'air bien sympathique. Frangier se révèle plus étonnant encore sur d'autres plans. Il est passionné par la Renaissance française et pourrait donner des cours magistraux sur ce sujet. Plus fort encore, si l'on peut dire. À l'occasion d'une baignade, Micheline découvre que le marin yougoslave possède 3 tétons sur la poitrine et un orteil supplémentaire. Et en rougissant, Frangier explique « Il paraît que c'est un signe de primitivisme. Il paraît que nous descendons de lignées préhistoriques. Mais autrefois, on nous aurait brûlés comme sorciers pour ce petit détail. » À la fin du séjour chez les Formentiers, Frangier propose « Puisque cet été, nous mettons sac à terre en même temps. Pourquoi ? Ne viendriez-vous pas chez moi dans l'île de Rab, en Yougoslavie? C'est un ravissant village dans le style vénitien. En août, ça vous irait? Eh bien, pourquoi pas? » Et c'est ainsi que les Formentiers arrivent dans l'île de Rab après un long voyage et un petit trajet en ferry. Frangier et sa sœur attendent le couple de Français à la descente du bateau. Frangier et Emmanuel se précipitent l'un vers l'autre pour une embrassade chaleureuse. Mais Micheline remarque quelque chose d'étrange dans l'attitude d'Emmanuel. Elle attend un moment pour lui demander discrètement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand Frangier t'a ouvert les bras, je t'ai vu nettement reculer pendant l'espace d'une seconde, comme si tu avais eu peur. Écoute, Micheline, tu ne vas pas me croire. J'ai eu comme une vision, un flash. Quand Frangier s'est approché de moi, sa tête a disparu et pendant 2 secondes. Eh bien quoi pendant 2 secondes? Eh bien pendant 2 secondes, c'est la mort qui me parlait. Sa tête a disparu et c'est une tête de mort qui m'a embrassé. Mon pauvre chéri, t'aurais pas dû rester au soleil sur le bateau. T'es certain de ne pas avoir une insolation? Mais c'était horrible, Micheline. Tu sais, j'aime pas ça. C'est comme si Frangier allait bientôt mourir. Mais le reste du séjour se passe le mieux du monde. La plage, le petit marché, les cafés. Les Formentiers rentrent à Paris en disant « Pour la prochaine escale, c'est vous qui venez chez nous. » Au mois de décembre, Emmanuel Formentier reçoit une lettre de son ami yougoslave. Il l'ouvre avec impatience, mais son visage pâlit. Micheline demande « Qu'est-ce qu'il raconte, notre marin ? » Eh bien, il dit qu'il est gravement malade et il demande si nous pourrions l'héberger pour qu'il puisse consulter des spécialistes français. Gravement malade ? Il te dit ce qu'il a ? Emmanuel hésite. Il dit qu'il a le sida. Le sida ? Quelle horreur ! Mais comment a-t-il pu attraper ça ? Ben, tu sais, il est divorcé et toute l'année à faire le tour du monde, l'Australie un jour, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil. Va t'en savoir, hein? Ah, le pauvre mec. Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, tu lui envoies un télégramme et tu mets « Ta chambre est prête ». Quelques jours plus tard, Frangier arrive de Bilbao. Les Formentiers lui réservent un accueil chaleureux. « Tu as une très bonne mine. Il faut t'accrocher. Je t'ai pris un rendez-vous avec le professeur Finkielkraus pour la semaine prochaine. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. » Frangier semble assez abattu. « Non, ma vie est foutue. Je sais que je ne m'en sortirai pas. Depuis mon divorce, je ne pense qu'à mourir. » Frangier ouvre son portefeuille et en sort un billet de 500 francs. « Tiens, voilà déjà 500 francs. Je tiens absolument à participer aux frais de mon séjour chez vous. Mais enfin, tu es fou, quoi ! Pas question d'argent entre nous !» Frangier insiste. Et Emmanuel range le billet de 500 francs en grommelant « À quoi ça sert, les amis ? C'est pas parce que tu vas manger la soupe avec nous, enfin !» Mais dès le lendemain, Emmanuel demande à Micheline « Tu n'as pas vu où j'ai rangé le billet de 500 francs de Frangier ? Impossible de le retrouver !» Il me semble bien que je l'ai mis dans ma poche revolver, mais il n'y est pas. Oh, c'est pas pour la somme, mais c'est idiot. J'ai fouillé partout, même dans la corbeille à papier. Mais le billet demeure introuvable. Frangier, quant à lui, ne va pas mieux. Au contraire, au bout de quelques semaines, son état s'aggrave. Il souffre énormément. Il faut l'hospitaliser. Il s'est montré si sympathique que tous ceux qui ont fait sa connaissance se relaient pour lui rendre visite sur son lit de douleur. Jusqu'au jour où l'hôpital Lariboisière appelle. « Madame Formentier, c'est pour vous dire que M. Vukovic est décédé cette nuit. » Micheline ne peut retenir ses larmes, Emmanuel non plus d'ailleurs. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons téléphoner à sa sœur, Rab. La meilleure solution serait de le faire incinérer et de lui rapporter les cendres l'été prochain. La sœur de Frangier, quand on lui annonce la nouvelle tragique et les projets d'incinération, répond négativement. Un ami yougoslave des Formentiers sert d'interprète. Elle dit que Frangier, conscient de la gravité de son état, a bien précisé qu'il ne voulait pas être incinéré. Il veut être enterré à côté de son père, au milieu des Vukovic, à Rab. Les Formentiers se mettent en rapport avec les pompes funèbres qui leur disent « Nous nous chargeons de tout. Cela coûtera 15 000 francs. » Bien. La famille Vukovic va vous les envoyer. Mais les formalités sont très longues et durent 3 mois. On procède enfin à la mise en bière après 3 mois de chambre froide. On décide du vol qui doit transporter le cercueil vers Zagreb. Mais pendant ces 3 mois, Emmanuel n'a cessé d'examiner chaque recoin de la maison en disant « Je suis certain que le billet de 500 francs de Frangier est dans la maison. Mais où ? J'ai tout fouillé, tout retourné. Il doit être quelque part. » J'ai fouillé 100 fois mon portefeuille. Tiens, d'ailleurs, il faut que je prenne de l'argent au distributeur automatique aujourd'hui. Emmanuel prend 500 francs au distributeur, 2 billets de 200 et 1 billet de 100. Il les range soigneusement dans son portefeuille, comme d'habitude. Ce jour-là, pour le déjeuner, Emmanuel a rendez-vous avec quelques collègues pour discuter de leur prochain engagement maritime. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au moment où Emmanuel lance « L'addition, faut que je file !» Tandis que le serveur apporte la petite note, Emmanuel ouvre son portefeuille sans regarder, tout en continuant à discuter avec ses amis. Et soudain, il sent une boule de papier chiffonné qui se trouve là, au milieu du portefeuille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben ça, c'est un billet de 500 balles roulé en boule. Emmanuel dit à haute voix : Mais d'où ça sort, ce billet ? Mais il n'était pas là ce matin, il n'était pas là tout à l'heure quand j'ai pris de l'argent au distributeur. Et soudain, une idée fulgurante lui traverse l'esprit. Emmanuel, blanc comme un linge, consulte sa montre. 14h15. Oh non, c'est pas possible. 14h15, nous sommes mardi. Mon Dieu. L'avion qui emporte le corps de Frangier est en train de décoller pour Zagreb. C'est le billet qui avait disparu le jour où il est arrivé chez nous. Est-ce un signe ? Pour avoir respecté son vœu, l'avoir rendu à sa famille ? Emmanuel, vaincu par l'émotion, se met à pleurer silencieusement, et pendant de longues minutes, il est incapable d'expliquer à ses copains pourquoi le fait de payer l'addition avec un billet de 500 francs chiffonné peut provoquer chez lui une émotion tellement bouleversante.